بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم تفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أن أكمل الشيخ النجدي رحمه الله فصله في نواقض الإسلام إلى conclut le chapitre de Nawaqid al-Islam par une faïda qui est jalila, dans laquelle il a voulu faire comprendre que ce n'est pas toute personne qui tombe dans un aqid mais Nawaqid al-Islam qu'on doit forcément le juger de kafir, de murtad qui est sorti de l'Islam. Et il a évoqué pour cela, il y a mis certains des mawani, des choses qui empêchent de pouvoir juger d'une personne qui est tombée dans la mécréance ou bien dans un de ces aqid mais Nawaqid al-Islam, de pouvoir le juger comme étant un kafir. Tadakana muhiman jiddan. Tamqara rahimahullah ta'ala qala at-tawhid thalathatu anwa'. Fa huna sayadhkur yani les catégories de tawhid. Wa qala huna qad at-tawhid thalathatu anwa'. On peut voir dans le kalam de certains des ulama al-mutaqaddimin yuqassimuna at-tawhid ila qismayn. Annahum yuqassimuna at-tawhid ila qismayn. Fa hal hunaka khilaf بين أن يقال التوحيد ثلاثة وتوحيد اثنان. Est-ce qu'il y a un khilaf entre le fait de dire que le tawhid il y a deux catégories ou bien trois catégories? Alors صحيح, il n'y a pas de khilaf. Il n'y a pas de khilaf بين القولين. Il n'y a pas de khilaf entre les deux paroles. Fait ceux qui ont dit que tawhid ينقسم إلى اثنين, comme c'est la parole d'une majorité des savants يعني من قبل. Le tawhid الأول عندهم c'est tawhid الطلب. وتوحيد الطلب c'est بمعنى tawhid العبادة. ويسمون كذلك التوحيد الإرادي, توحيد الطلب وتوحيد الإرادي, يعني ستوحيد الألوهية. الثاني ستوحيد المعرفة, c'est-à-dire tout ce qui est en connaissance Allah عز وجل, التوحيد qui est lié à la connaissance d'Allah سبحانه وتعالى. Donc ça rentre dedans توحيد الربوبية والأسماء والصفات. Tout ça rentre dans le معرفة, le fait de connaître Allah عز وجل par ses paroles, par ses actes, par ses noms et ses attributs. Donc tout cela, ça rentre dans une catégorie chez eux, c'était Tawhid al-Ma'rifah. Ama Tawhid al-Uluhiyya ou al-Ubudiyya, qui est connu dans le taqsim des contemporains, فهذا, il appelait Tawhid al-Talab ou al-Iradi. Donc كلاهما c'est بمعنى واحد. C'est le même sens. Ils disent ينقسم إلى اثنين أو ثلاثة, il n'y a pas de différence entre les deux, paroles. فأنا قال Tawhid ثلاثة أنواع. Et ces أنواع الثلاثة, يعني الإنسان الآن قد يسأل نفسه où est-ce qu'ils ont trouvé ces trois catégories là. Est-ce qu'on retrouve cela dans Kitab Allah subhanahu wa ta'ala? Et Allah عز وجل مثلا dans une ayah dit que le tawhid était divisé en trois, ou bien est venu un hadith dans lequel il dit que le tawhid est divisé en deux ou en trois. Il n'y a pas de dalil sarih يعني qui est clair par rapport à ce sujet là لكن العلماء استنبطوا, ils en ont déduit, comme ils en ont déduit avec الشروط لا إله إلا الله. Ils ont regardé le kitab Allah et quand ils ont fait sunnah, ils ont vu que tawhid yani la yakhruj an thalathati anwa', la yakhruj an thalathati anwa'. Fa hada min al-istinbat, c'est une déduction du kitab et de la sunnah, ce taqsim là. Wa ad-dalil alladhi yadull 'ala dhalika ajma' al-ayah qawlu subhanahu wa ta'ala rabbus samawati am wa ma baynahuma fa'budhu wastabi' li 'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya rabbus samawati am وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Je vais te donner le numéro du verset, le verset 65 de Maryam. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال العلماء هذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. تم أغني les trois catégories du tawhid. الربوبية الأسماء والصفات والألوهية. فقول سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما, ça c'est التوحيد الربوبية. رب السماوات والأرض وما بينهما سأنغلب توحيد الربوبية. قال فاعبده واصطبر لعبادته, هذا سأنغلب توحيد العبودية. فاعبده يعني وحده لا شريك له, دونك سي توحيد الألوهية. واصطبر لعبادته, هذا دل على حقوق التوحيد, على حقوق التوحيد كي كوا كالعبادة, كالعبادة كالإنسان سيجما يوحد الله لابد أن يعبده, لابد أنه يعبده, يدوى أدغى الله سبحانه وتعالى يوم خمي. Et par cela, il y en a par la salat et zakat al-akhri. Donc, il y a un tawhid et un tawhid. قال هل تعلم له سميا est-ce que tu le connais en égal et comme on a pu voir ici هل تعلم له سميا اي ليس له سمي سبحانه وتعالى اي سمي بمعنى ان النظير il a pas d'égal ليس له et c'est comme ça monsieur t'a dit est-ce que tu connais en égal Allah عز وجل يعني pour يعني faire un écart comme on a pu voir parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pose il nous fait part d'une chose à la sabil al-su'al de manière interrogative c'est pas pour yani est-ce qu'il ignore ou pas c'est pour mimbab al-inkar pour ceux qui donnent des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme si tu disais est-ce que tu connais un égal à Allah azza wa jal pour pouvoir adorer autre que lui yani min hada al-bab fa hal ta'lamu lahu samiya hada sahum comme qul subhanahu wa ta'ala laysa ka mithlihi shay c'est-à-dire qu'il n'a pas d'égal dans les asma wa sifa subhanahu wa ta'ala. Donc les ulama, par rapport à cette ayah-là et d'autres, hein, mais celle-là c'est ajma' parce qu'il a réuni les trois tawhid imam. On ajoute de cela al-bayyan, l'expose aussi qu'à l'écart que tawhid il a un haq qui est al-ibad, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal bis-salati wa zaki al-akhiri. Donc là ça réunit les trois catégories du tawhid. Ça c'est le dalil qui est ajma' Sourate Maryam, le verset 65. رَبُّ السَّمَاوَةِ أَرْضْ وَمَا بَيْنَهُمَا فَعْبُدُهُ وَاسْطَبِعْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّةِ نعم فتوحيد الثلاثة لما قال العلماء التوحيد ينقسم إلى ثلاثة فهذا سنقول لك صحيح من أين أخذنا ذلك وسكن لبخي هذا أخذناه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم il faut savoir que التوحيد sont tous liés التوحيد sont tous liés c'est-à-dire que celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala ashraka bihi fil asma wa sifa fa hadha kadhalika qad ashrakahu fil ubudiyya celui qui donne un égal à Allah azza wa jalla dans al asma wa sifa il donne un nom qui est propre à Allah azza wa jalla un autre qu'Allah ou il qualifie un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala par le sifat qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala fa hadha kadhalika il a associé Allah azza wa jalla dans quoi dans l'ibadah pourquoi parce que ils disent les ulama que le fait qu'on prétend qu'il y a un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui a les attributs et les noms parfait, comme on les retrouve chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si jamais il avait approuvé que cette personne-là méritait d'être adorée. Parce que celui dont les asma et les sifats sont parfaites, c'est celui qui mérite d'être adoré. Donc, yani, ça implique qu'il le veuille ou non. Qu'il le veuille ou non, ça c'est une chose qui implique, c'est l'azim. Fait-à-dire qu'il a dit subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuhannas, u'budu rabbakumu alladhi khalaqakum » Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris comme dalil la création pour prouver que c'est lui qui mérite d'être adoré. Parce qu'il n'y a personne en dehors d'Allah azza wa jalla qui yakhluq. Personne ne crée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui est le créateur, c'est celui qui mérite d'être adoré. Donc celui qui prétend qu'il y a un autre créateur en dehors d'Allah azza wa jalla, ou un autre raziq en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui associe Allah azza wa jalla dans l'un de ses attributs dans al-rububiyya. Cette personne-là, c'est le cas. Il a associé dans l'ibada. Parce que celui qui a tawhid al-rububiyya, c'est celui qui mérite d'être adoré comme qala subhanahu wa ta'ala u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Fa al-aya fi dhalika kathiratun jiddan. Donc lorsqu'on dit que at-tawhid unqasimu ila thalatha, c'est parce qu'il y a des anwar dans shirk. Kadhalika. Ça veut pas dire que yani ils sont dissociés, ils sont associés. Le tawhid c'est une chose qui est wahid. Lakinnahu anwar yani. Il a différents aspects. لكن كل شيء التوحيد شيء واحد من أشرك في شيء من التوحيد فقد أشرك في البعد celui qui associe dans un des aspects du توحيد il associe كذلك dans les autres ça c'est لازم جدا c'est pour ça que est-ce que vraiment كفار قريش ils avaient le توحيد dans الربوبية في الحقيقة لا par rapport à cette règle là parce qu'ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ibada donc le fait qu'ils ont adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme si jamais ils avaient prétendu que cette divinité qu'ils étaient adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal, elle crée et elles ont les plus beaux asma et sifa. Ça c'est l'azim jiddan. Yani lorsqu'on dit hawala wahadu yani fi rububiyya kufar quraish min haythu ils ont pas rejeté. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah, ils rejettent pas cela. Lakin est-ce qu'ils ont vraiment unifié Allah Azza wa Jal dans rububiyya fi al-haqiqa la? Parce que celui qui unifie dans rububiyya, il est obligé de unifier kadhalika dans al-ubudiyya, dans توحيد العبودية والألوهية فهذا يعني بينهما تلازم c'est une chose qui est c'est un ensemble à part entière mais توحيد وهذا مهم جدا فقال توحيد ثلاثة أنواع التوحيد كما قلنا هذا من فعل وحدة من فعل وحدة avec la chedda sur le ha qui veut dire unifié unifier une chose, wahada, c'est-à-dire prendre deux choses et l'unifier, faire une seule chose. هذا باللغة العربية. وأما في الشرع تم كما قالوا التوحيد انقسم إلى ثلاثة. لكن هناك ديفينيسيون كي انغلوب سي تخوا اسبيك دو توحيد كي إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به سبحانه وتعالى. إفراد الله عز وجل بما اختص به سبحانه وتعالى. لو في دوني في الله عز وجل les choses qui lui sont particulières, dans lesquelles il n'accepte pas d'avoir un associé. Fahada, c'est quoi? C'est la définition du tawhid. Ifradullahi ta'ala bimakhtassa bihi subhanahu wa ta'ala. Unifier Allah Azza wa Jal dans les choses qui lui sont propres, dans les choses qui lui sont spécifiées. Et parmi cela, al-ubudiyya, l'adoration, al-asma wa sifa, wa al-rububiyya. Naam. Qala al-awwal, qala tawhid al-rububiyya. Tawhid al-rububiyya, c'est une idafa ila al-rab. La seigneurie, comme ils disent. وتوحيد الربوبية قالها هنا قال هو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام واستحل دماءهم وأموالهم وهو توحيد الله تعالى بفعله تعالى والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وَمَنْ يَدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَهَوْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتُوحِدَ الرُّبُوبِيَّةِ قَالَ هُوَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْكُفَّارِ C'est celui dont les kuffars ont approuvé, comme on a dit de manière générale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas rejeté. كَمَا قَالَ هَوْنَا dans l'ayah. Si jamais tu leur demandes, yani, qui a fait toutes ces choses-là, ils vont te dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَذَلِكَ الْآيَةُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللَّهُ Ils n'ont jamais rejeté cela. Ils n'ont jamais prétendu qu'il y avait un autre créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien une autre personne qui donnait la substance en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ila akhirihi. فَكَانُوا يُقِرُّونَ بِذَلِكَ C'est-à-dire qu'ils n'ont pas rejeté. Ils n'ont pas rejeté. نعم. قَالَ وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Et malgré cela, malgré qu'ils avaient agréé ce tawhid-là, il avait approuvé un Nabi sallam, il les a quand même combattus. قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في آية كثيرة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون فالله سبحانه وتعالى dans cette آية là il a ordonné au prophète صلى الله عليه وسلم de combattre tous ceux qui ne croient pas en Allah سبحانه وتعالى donc ça nous montre que le prophète صلى الله عليه وسلم il a combattu ces kuffar Quraysh, malgré qu'ils approuvaient Tawhid al-Rububiyya, que cela n'était pas suffisant. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas considéré ce Tawhid-là, l'approbation de ce Tawhid-là, comme étant suffisant et comme étant un iman billahi azza wa jal. Dalil al-Zalika, anna Allah azza wa jal, amara al-Nabissam bi qitalihim. Il a ordonné de les tuer. Kama fi hadhi al-Aya. Verset 29 dans Surah Tawbah. Qatilu alladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawm al-akhir. De combattre ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour du jugement dernier. Donc le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a combattu ces personnes-là, ça prouvait que ces personnes-là n'avaient pas l'iman billah et ni l'iman bil yawm al-akhir. Pourquoi? Parce qu'il les a combattus. Donc ça nous montre que tawhid al-rububiyya faqat, ça fait pas de la personne un mu'min. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas ordonné son prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam de les combattre. Wa kadhalika qala fil aya wa la yadinuna din al-haq. Il n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala par la religion de vérité qui est l'islam. C'est-à-dire qu'ils prennent une autre religion que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un dalil kadhalika par rapport au naqid qui est, c'était le dernier, ou plutôt c'est le neuvième, je crois, de la personne qui pense qu'il peut sortir de la sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qui ne se rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala par la religion de vérité qui est celle qui est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika, ça, c'est un dalil par rapport au neuvième naqid qu'on avait pu voir, naam. Et كذلك من الآية plutôt من الأدلة التي تدل على أن توحيد الربوبية فقط يعني c'est pas suffisant. Hadith Ibn Umar رضي الله عنهما كما عند الإمام في صحيحين متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Donc dans ce hadith-là, قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حديث ابن عمر. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné de combattre les gens. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. jusqu'à ce qu'ils attestent que Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré. Ou anna Muhammad Rasulullah, que je suis le prophète et que je mérite d'être suivi. Wa yuqimu salat wa yu'tu zakat. Qu'ils fassent la prière et qu'ils s'acquittent de la zakat. S'ils font cela, ils ont certes préservé par cela leur sang, leur argent, excepté bihaq al-islam. C'est-à-dire que même si quelqu'un dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, si jamais il vole, on doit lui couper la main. Donc là, son sang est préservé, lakin, là on va lui prendre une partie de son sang, qui est quoi? De lui couper la main, parce que ça fait partie de haq al-islam. Ça fait partie de haq al-islam. Que celui qui vole, on doit lui couper la main. Qu'à celui qui fait zina et qui est marié. Dans ce hadith-là, il est dit qu'un abissam, il ne tue pas ceux qu'ils ont attesté. Ils ont dit la ilaha illallah. Celui-là, il a attesté. Lakin, il a fait zina. Ça, c'est min haq al-islam. Que celui qui fait zina et qui a été marié doit être tué. Il doit être lapidé. Donc ça fait partie de haq al-islam. Tout ça qu'il a dit à la fin, il a bihaq al-islam. Excepté des droits de l'islam qui permettent de pouvoir prendre le sang de cette personne-là. Celui qui tue un autre, et volontairement, on doit lui prendre son âme. On l'a tué, est-ce que ça veut dire que c'est un apostat? Non. Ça fait partie des droits de l'islam. Celui qui tue son frère musulman, on doit lui prendre sa vie. Ça c'est marna, il a bihaq al-islam. Il a bihaq al-islam. Qala wa hisabuhu ala Allah. Ça c'est par rapport aux munafiq. Ceux qui attestent, an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et ils font la prière et donnent la zakat, lakin ils le font d'apparence. Mais dans leur cœur, ils n'attestent pas de cela, de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et ils prient, yani, birriya, par ostentation. Et quand la zakat la donne par ostentation, ils la donnent pas par Allah Azza wa Jal. Fahaoula, il a dit à un Nabi Sallam, qu'il a wa hisabuhum ala Allah. C'est-à-dire, on les juge par rapport à leur apparence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va les juger par rapport à ce qu'ils ont dissimulé dans les cœurs. Donc, c'est-à-dire que celui qui d'apparence met en avant l'islam, on ne doit pas chercher qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. On regarde que les choses qui sont en apparence. C'est pour ça qu'il a dit « وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ » On ne s'occupe pas des cœurs. Donc ça nous montre que ceux qui attestent seulement de « الرُّبُوبِيَّةِ » et ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala « وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا » que « توحيد الرُّبُوبِيَّةِ » ça ne suffit pas. Parce que si jamais ça aurait été le cas, ils auraient dit « كُفَرُ الْقُرَيْشِ » mais on ne comprend pas pourquoi tu veux nous combattre. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de ne pas tuer ceux qui sont mu'mines. Et nous, on a attesté la ilaha illallah bima'na la khaliq illallah. Si jamais ça aurait été suffisant, et bien Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas ordonné de les combattre. Parce qu'ils ont attesté qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur. Lakin la ilaha illallah ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et le fait que vous approuvez et que vous agréez qu'il n'a qu'un seul créateur, ça c'est pas suffisant. Il faut que vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous montre que tawhid ar-rububiyyah faqat yani la yakfi. C'est pour ça qu'il a fait un tanbih هنا. Al-Sheikh al-Islam qala wa huwa alladhi aqarra bihi, qu'ils ont approuvé, agréé bihi al-kuffar ala zaman rasulillah, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas rejeté cela. Qala wa qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa malgré cela an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas fait distinction, il les a combattus. قال ولم يدخلهم في الاسلام اي توحيد الربوبيه ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Leur approbation de ce tawhid là n'a pas fait de eux des musulmans. ولم يدخلهم في الاسلام قال واستحل دماءهم واموالهم, yani leur bien et leur sang étaient licites. Il avait droit de prendre leur bien et leur sang, yani dans le combat, c'est-à-dire de les tuer et de prendre le butin. قال وهو توحيد, ensuite il a donné la définition de توحيد الربوبيه. فقال هو توحيد الله بفعله تعالى. C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes, dans tous les actes qu'il fait subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a donné un dalil par rapport à ça. قال ودليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض, qui vous donne la subsistance dans les cieux et la terre. Donc là ça fait partie de quoi? D'un fi'l, d'une action. أمن يملك السمع والأبصار, qui détient, يعني السمع والأبصار, il détient toutes choses Allah subhanahu wa ta'ala. قال ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي, qui donne la vie et qui donne la mort. قال ومن يدبر الامر, et qui administre yani toute chose. قال فسيقولون الله, ils vont te dire c'est Allah, ils vont pas rejeter cela. قل افلا تتقون, اي افلا تتقون الله سبحانه وتعالى فتعبدونه, n'allez-vous pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala, si jamais vous agréez cela et vous acceptez cela, pourquoi vous n'adorez pas Allah subhanahu wa ta'ala? Ayez crainte, parce que cela n'est pas suffisant. Afala tattaquna bidhalika iqab Allah, si jamais vous, yani sincèrement, vous approuvez ces choses-là, donc prenez garde du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et adorez-le. Parce que ça, c'est pas suffisant. Là, c'est tawhid al-Rububiyya. Et ce tawhid-là, il y a très peu de personnes qui l'ont rejeté. Et l'ad-dahriyun qui est maquila. Ad-dahriyun, par rapport à l'ayah, qu'il subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. Donc la surat 45, le verset 24. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. Non, mais ils disent, la vie d'ici-bas, on vit dedans et on meurt. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. Et c'est le temps qui va nous tuer. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui va mettre fin à nos vies. Lakin, c'est le temps. Le temps qui va mettre fin à nos vies. Donc ceux-là, ils n'ont pas agréé de tawhid al-rububiyya. Ils n'ont pas approuvé que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie et qui ôte la vie. Ils ont dit wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. C'est le temps qui prend nos vies. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui décide yani quand est-ce qu'on meurt. Lakin, c'est le temps qui prend nos vies. Eux, ils les ont appelés ad-dahriyun. C'est-à-dire que ceux qui pensent que c'est le temps qui donne qui donne fin aux vies, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une farqa qui qalil jiddan. Une farqa qui qalilatun jiddan, qui est même presque inexistante à notre époque. Et tu peux le trouver, mathalan, al-an, avec les kuffar. La chaque fois qu'il arrive à fi, bizzahir, comme d'apparence, il rejette ce tawhid-là. Ceux qui disent qu'on est descendu du singe, ou bien ceux qui disent que la théorie du Big Bang, ou je sais plus quoi, tu vois. Ce genre de personnes-là, ça fait partie des dahriyun. Ils font partie des dahriyun, naham. Ceux qui rejettent le tawhid al-rububiyya, naham. Et ça, c'est d'apparence, comme on a pu voir. Ou illa, ils savent, au fond de leur cœur, que c'est Allah qui donne la vie, qui donne la mort, naham. Un peu comme Pharaon. Qal athani, qal tawhid al-uluhiyya. Et ça, c'est le maqsoud. C'est le tawhid alladhi arsala bi subhanahu wa ta'ala al-mursaleen. C'est le tawhid par lequel sont venus les al-mursaleen, les messagers. C'est-à-dire le premier messager c'est Nuh, alayhi salatu wassalam. Ah, mais Adam il n'était pas messager. Adam c'était un prophète. La différence entre le messager et le prophète, il y a une grande divergence entre les ulama par rapport à ça. Certains ont dit, un nabi c'est un rasoul, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre les deux. Certains ont dit, un nabi ou un rasoul c'est deux choses différentes. Donc après, ikhtalafou fi, là dans la définition. Certains ont dit, un nabi, c'est la personne dont Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé avec un message, avec une prophétie, mais il ne lui a pas ordonné de transmettre. Et ça, c'est une définition qui est totalement fausse. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris un pacte avec l'ahlul ilm qui devait transmettre. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala a pris un pacte envers les gens de la science qui devaient la transmettre et ne pas la dissimuler. Donc si jamais les gens de science qui sont les héritiers des anbiya, des prophètes, doivent transmettre la science, que dire alors des anbiya? Donc ça c'est une définition qui est totalement fausse et que tu vois dans beaucoup, mais vraiment beaucoup de kutub dans Tawhid. De ceux qui ont fait le shurahat de kutub dans Tawhid, Al-Fawzan et j'en passe et tout, ils ramènent tous cette définition-là, qui est totalement fausse lorsque tu portes réflexion par rapport à ça. Et la définition qui est sahih, wallahu alam alladhi, que j'ai vu, c'est celle de Sheikh al-Islam, rahimahullah. Dans un kitab qui s'appelle Al-Nubuwat, il a fait un bon rapport par rapport à ça, une bonne conclusion. Il a dit, Al-Nabi, c'est qui? Il dit, c'est celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Avec un message, afin de le transmettre à un peuple qui est mawafiqi, c'est-à-dire qui est en accord avec lui, qui ne vont pas rejeter, de manière générale, qui ne vont pas rejeter son message et sa prophétie. Ils sont prêts à l'écouter et à accepter ce message-là par lequel il est venu. Il dit ça, c'est le Nabi. Ou Amar Rasoul, c'est la même chose, c'est celui qui est venu avec une prophétie, avec un message, dont on lui a ordonné de transmettre ce message-là. Et cette prophétie-là, Lakin, elle a été envoyée à un peuple qui est mukhalifi. Un peuple qui est en désaccord avec sa risale, avec son message. C'est pour ça que Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit, Bayna Adam wa Nuh, 10 qurun. Entre Adam et Nuh, il y a eu 10 siècles. Qala kulluha ala at-tawhid. ils étaient pendant ces 10 siècles là sur tawhid wa fi ba'd ar-ruwayah 'ala al-haqq, ils étaient sur la vérité. Qala thumma ahdatha qawm nuh al-shirk fa arsala Allah subhanahu wa ta'ala nuhan. Et ensuite, yani après ces 10 siècles là, le peuple de Nuh, ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala. Après ces 10 siècles là de lumière de tawhid et de khair et de haqq, ils ont commis l'association. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre Nuh. Il a envoyé Nuh avec ce message-là de adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que tu trouves dans les hadiths, dans le hadith al-Shafa'a, lorsque les gens, après qu'ils sortent de leur tombe, ils vont aller voir les prophètes. Parce qu'ils sont en train d'attendre yani, un jour qui est aussi long que 50 000 ans. Sans affaires, sans ni'al, sans rien du tout. Wa shamsu ala ru'usihim. Et le soleil est au-dessus de leur tête. Il y a un mouqif qui est azim. Tous ils sont réunis. Summa zid ala zalika. Bila siyab. Ura. Ils sont tous nus. Wa hufa. Kadalika. Ils n'ont pas de ni'al. Ghurlan. Ils ne sont pas circoncis. Et kadalika. Tu rajoutes à cela qu'ils sont sortis de la tombe. Et dans la tombe, chacun voit son sabil. Chacun va voir son chemin, sa destinée. Donc il sort et les fiqalar, ceux qui sont menahli nar et tout ça. Et ceux qui sont morts à la kaba'ir, ils sont fiqalak, ils sont dans un effroi et un azim. Wa shamsu faqar usim, zid ala dhalik. Une chaleur intense, on ne peut pas la décrire. Yani le ciel, il est au-dessus de nos têtes, au-dessus de leurs têtes. Là, nous, à Djibouti, on a des fois des températures qui viennent à 50, 55 degrés, on ne peut plus rien faire. Tu vois, on est statique. Donc que dire là, shams yani faqar usim, c'est une chose qu'on a. Et tout cela, ils patientent 50 000 ans. Donc là, ils sont dans une shidda azima, tu ne peux pas la décrire. Et ils voient que les anbiya sont ma'ahum. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander aux anbiya qu'ils fassent intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de les alléger de cette longue attente-là. Donc ils vont aller vers Adam. Ils vont dire que Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé ceci, cela. Essaie de faire intercession pour nous. Il va dire Allah subhanahu wa ta'ala me l'a pas permis. Il va dire, allez voir Nuh. Awwal ar-rusuli ursila ila al-ard. Allez voir Nuh, le premier messager qui a été envoyé. Donc les ulama, ils ont dit, par rapport à ce hadith-là, ça montre bien que avant Nuh, il n'y avait personne parmi les messagers. Lakin, il y avait Adam. Adam, c'était un nabi et ce n'était pas un messager. Comme est venu dans le hadith, Kana Adam nabiyan mukallama. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, il a authentifié Cheikh Al-Albani rahimahullah, que Adam c'était un nabi, c'était un prophète mukallama dont Allah azawajal a parlé. Il a entendu la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était pas un messager, c'était pas un rasoul. Parce qu'il a dit, allez voir Nuh, le premier messager qui a été envoyé sur la terre. Et ce hadith il est muttafaqun alayh. Hadith al-Shafa'a il est long, lakin c'est juste une partie du hadith. Et ce shahid c'est que Nuh c'est le premier des messagers. Nuh c'est le premier des messagers. Donc ça montre qu'il y a bien une différence entre le messager et le prophète. Parce que Nuh c'était un messager et Adam c'en était pas un. Donc il y a une différence entre les deux. Ça montre que celui qui a dit que c'est la même chose al-Rasul ou al-Nabi, c'est pas vrai. C'est une erreur, c'est une interprétation qui est fausse. Donc al-Rasul c'est celui qui a été envoyé vers un peuple qui sont en désaccord avec le message par lequel il est venu, comme c'était le cas de Nuh par rapport au athar de Ibn Abbas radiyallahu anhu. Donc il y a une différence entre al-Nabi wa Ar-Rasul, naam. Faidan, on est en train de dire que Tawhid al-Uluhiyya, c'est le message par lequel sont venus tous les Anbiya al-Akin, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié la venue des messagers, afin de revivifier le Tawhid. Qala as-sani Tawhid al-Uluhiyya. Donc Tawhid al-Uluhiyya, ça vient du verbe alaha. Alaha qui veut dire en arabe adorer. Alahtuhu ay abadtuhu. فتوحيد الألوهية ستدير توحيد العبادة. قال وهو الذي وقع فيه النزاع من قديم الدهر وحديثه. C'est le توحيد dans lequel est venu un نزاع, dont les gens ont rejeté. توحيد الربوبية, de manière générale, ils l'ont pas rejeté. لكن توحيد الألوهية, ils l'ont rejeté. كما قال سبحانه وتعالى. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Lorsque An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a appelés au tawhid, ils ont méprisé An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont rejeté son message. Il n'adorait pas Allah Azzawajal. Yani yastakbir. Orgueil. Wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun. Mais ils ont compris que il n'est pas venu avec le message de dire, d'approuver que Allah Azzawajal c'est le Seigneur, que c'est celui qui a créé. Ils ont compris qu'il délaisse toutes les divinités qu'ils adoraient. Et c'est pour ça qu'ils l'ont insulté, ils méprisaient. Yaquluna a inna la tariku. Est-ce qu'on va laisser nos divinités pour un poète qui est possédé? Sha'ir majnun. وكذلك آيات كثيرة قل سبحانه وتعالى نعم dans سورة صاد وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وعجبوا سوسوا يتوني يعني ده المسج لا ده دعاء الله سبحانه وتعالى uniquement وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ils ont été étonnés qu'un messager est issu de leur peuple. Pour eux un messager c'est un malaïka, c'est un ange ou bien yani c'est pas un humain. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. C'est un sorcier menteur, un grand menteur كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة يعني يتعجبون. Est-ce qu'on va adorer يعني une seule divinité? إن هذا لشيء عجاب. C'est une chose qui est vraiment étonnante. وانطلق الملأ منه أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Ils se sont fait une نصيحة بينهم. انطلق الملأ منهم يعني le groupe qui est parmi eux, il y en a un talaqo et a'radu 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont écartés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit à leur peuple, imshu, et partez de ce, écartez-vous de cette personne-là, wasbiru. Et patientez sur vos divinités, ne répondez pas à son message. Inna hadha la shay'un yurad. Qalu ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirati. Inna hadha illa ikhtilaq. Ils ont fini par cela, ils ont dit, c'est une chose qu'on n'a jamais entendue. Nos ancêtres, ils nous ont jamais laissé ce genre de message là. Inna hadha illa ikhtilaq. Cette chose là, ce message là n'est qu'un pur mensonge. C'est forgé. El muhim. Ça c'est comme il a dit Hahona, waqa'a fihi an-niza'. Lorsqu'ils appelaient tawhid al-ibada, waqa'a fihi an-niza'. Et il y a eu une divergence entre les deux, il y a eu des combats, min qadim ad-dahr wa hadithihi. De l'époque de Nuh jusqu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à notre époque. Les gens, lorsque tu leur rappelles Tawhid al-Rububiyya, al-Uluhiyya, hauna, ils commencent à se fâcher. Naam. Qala huwa Tawhid Allahum bi afhal al-ibad. C'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Tawhid al-Uluhiyya, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Wa yuqal kathalika ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bil-ibadah. Ifradu Allah ta'ala bil-ibadah. Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, cette définition-là elle est beaucoup plus propagée. إفراد الله تعالى بالعبادة لفيدني في الله عز وجل دون لا دعاسيون نعم كم لايفوكي شيخ العثيمين يتوحد الألوهية وتوحد العبادة توحد الألوهية ستوحد الله بأفعال العباد c'est-à-dire que les عباد doivent unir في الله سبحانه وتعالى وتوحد العبودية c'est حق الله سبحانه وتعالى c'est le fait que الله سبحانه وتعالى doit être unifié c'est la même chose يعني c'est juste une expression يعني qui est qui est diverse. Naam. Sinon c'est la même chose. Tawhid al-uluhiyya et haqqu al-ibad. C'est-à-dire qu'ils doivent unifier Allah Azza wa Jalla dans leur adoration. Ça c'est tawhid al-uluhiyya. Wa tawhid al-ubudiyya, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala se doit d'être unifié. Fil haqiqa, c'est la même chose. Qala, ensuite il a donné des anwa'. Et comme on peut le voir, généralement lorsqu'il donne ces anwa'-là, c'est pour montrer que le shirk, il est survenu dans ces catégories-là qu'il va évoquer. قال كالدعاء يعني الانفوكاسيون والنذر لي فو جو كريديس والله اعلم لكن سي با فورسي با فريمون ان فو يعني قال والنحر لو في دو ايغورجي الرجاء سي ليسبوار الخوف التوكل الرغبه سي ان بو كوم الرجاء سي ليسبيرونس والرهبه كوم اون فوار سي ان كاتيجوري دو لا بور اون فوار ان شاء الله الانابه سي ان بو كوم توبه لكن يعني زيادة عن بلس قال وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن ينجي رحمه الله تعالى أبقى ورسيتي سرطان كاتيجوري دو العبادة ينجي كو شاكون دس عبادة كلا سيتي أزوان دليل يعني كي نبخوف كي فون بارتي دي عبادة لبيت سيبا سولا إن شاء الله إلي بك سادن أصول ثلاثة مثلا دن أصول ثلاثة إلي بك سي عبادة لا إلي بك انسويت لدليل لكن ها هنا سيبا البيت Ahona, le but c'est de nous faire comprendre qu'est-ce que Tawhid al-Uluhiyya. Que c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wahdahu la sharika la. Ifradu Allah ta'ala bil ibada. Ifradu Allah ta'ala bil ibada. Lakin la, parce qu'on comprend la définition en est de manière générale de certaines des ibadas qu'il a évoquées Haruna. قال رحمه الله تعالى كالدعاء والدعاء معلوم لكن الدعاء il faut savoir que ينقسم الى قسمين chez les ulama à deux catégories. دعاء المسألة c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lever les mains, de demander يعني باللسان, de dire يا الله ارحمني مثلا, يا الله يعني اكرمني, يا الله ادخلني الجنة, ce genre de choses là, le fait de demander يعني. Et il y a la deuxième dua qui est quoi? Dua al-ibada. Dua al-ibada, c'est le fait de l'adorer. Parce que toute personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala espère, à travers cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'il prie, c'est comme s'il demandait, par le biais de ses membres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte cette ibada-là. Donc c'est une sorte d'invocation.